me demande si ça va, je réponds t'inquiète ça va fort. Même si j'ai le cœur tatoué comme au Salvador. Oui ma mère je l'aime, oui oui Dieu je l'adore. Mais je suis prêt à tout pour le salaire de Marc Jacob. Donc ne raconte pas ta vie on s'en bat. Tu veux mon respect, pas top et moi en billet 500 balles. Enfile tes talons pendant qu'on amende ça. T'es rejoins-moi que je te mette un coup de physique comme la Mannschaft. Tu dois du bif, on t'enverra pas l'échelle. Et je crois que j'vais fumer ta reine comme dans un tournoi d'échecs. Tu débarques d'où, on te connaît pas t'es qui. Et si t'as pas d'équipe, on te fait à 5000 balles le kill. Les petits s'en battent les coups du rap ou du teaser. Marche des 500, mes chats tertonnés sur le sweatshirt. T'occupes pas de nos petites affaires. Et tu vois la rue à droite, bah prends-la parce que c'est la rue, nique ta mère. Le terrain ne connaît pas la grève. Putain c'est grave, non. Sur tous ces corps est entouré à la craie. Qu'ils vendent ou qu'ils grèlent. Les premiers qui partent sont les braves. Le terrain ne connaît pas la grève. Putain c'est grave, non. Sur tous ces corps est entouré à la craie. Qu'ils vendent ou qu'ils grèlent. Les premiers qui partent sont les braves. Je cherche un plafond de frappe comme un enterre. Tu me parles de demain mais pour moi t'es mort avant-hier. L'avenir est sombre, ouais, sombre comme ma jeunesse. Des fois je dors et je rêve que je braque une banque à Genève. Motherfucker, on vit pour les thunes. Autant que ces fils de pute d'indique vivent pour les stupes. À la naissance, on est tous vénères maîtrises. Je suis qu'un pantin. L'argent c'est le marionnettiste. Le secteur est quadrillé, le terrain nous a maillé. La pâte tourne et tourne comme un baillé. Bref, tu fais le diban, en secret t'es le plus cool. Toi un 6 gros arrête, les meilleures blagues sont les plus courtes. La basto c'est les high-class, on lit dans le jerrycan. Et ne depuis le cordon ombilical. Bref, rien ne sert de faire des gestes. J'rappe les bras immobiles, parisien bien avant Ibra immobile. Le terrain ne connaît pas la grève. Putain c'est grave, non. Sur tous ces corps est entouré à la craie. Qu'ils vendent ou qu'ils grèlent. Les premiers qui partent sont les braves. Le terrain ne connaît pas la grève. Putain c'est grave, non. Sur tous ces corps est entouré à la craie. Qu'ils vendent ou qu'ils grèlent. Les premiers qui partent sont les braves. Ne compare pas, laisse-moi dans mon coin. À entendre ces sales chiens, c'est tous des numéros 1. Ils vivent d'espoir, bah écoute qui le crève. S'ils ne m'aiment pas, je ferai en sorte qu'ils me craignent. Je vais leur apprendre à mépriser. Je voulais la paix en fin de compte. J'ai fini par les viser. Enfin bref, qu'est-ce que je disais. Je veux monter l'eau 5 étoiles et mon 4-4 noir métallisé. Le terrain ne connaît pas la grève. Putain c'est grave, non. Sur tous ces corps est entouré à la craie. Qu'ils vendent ou qu'ils grèlent. Les premiers qui partent sont les braves. Le terrain ne connaît pas la grève. Putain c'est grave, non. Sur tous ces corps est entouré à la craie. Qu'ils vendent ou qu'ils grèlent. Les premiers qui partent sont les braves, non. Les premiers qui partent sont les braves, non. Ce sont les braves, non.